Douimane. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 3 septembre 2021. Voici la première édition de cette soirée. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de la Santé annonce pour la période du 10 au 14 septembre la campagne de dépistage au Covid-19 des élèves fréquentant les écoles à régime d'internat. Et le ministre de la Sécurité demande aux élus du peuple de bien collaborer avec l'administration pour éradiquer les dommages causés par les commissionnaires. Après une année presque passée sans percevoir leur prêt bourse, les étudiants en master à la faculté de droit de l'Université du Burundi en réclament 3 tranches d'arriéré. Le reporter du jour nous emmènera en commune Guitaramoka de la province Karuzi pour évoquer la place des femmes dans la gestion des coopératives Sangwe. Et dans la chronique environnement spécialiste, nous parlera des stratégies de préservation de la couche d'ozone. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Certains députés s'insurgent contre le travail des commissionnaires. Selon eux, ils sont à l'origine de la montée des frais, que ce soit pour l'achat ou la vente des parcelles et les maisons de location. Le ministre ayant la sécurité et le développement communal dans ses attributions a demandé une franche collaboration entre les élus du peuple et l'administration pour éradiquer le comportement de ces commissionnaires. Médard Niokourou. La pratique des commissionnaires de jouer l'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs est à l'origine de la montée des prix, que ce soit pour les parcelles ou les maisons de location. Certains députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport au travail de ces faux commissionnaires. Honorable Mundwanabake Sylvain a précisé que le travail de ces faux commissionnaires est à l'origine des différents procès. Ces commissionnaires fixent des prix à la place des vendeurs et acheteurs et surtout accordent des permissions pour vendre et acheter des parcelles. Ce comportement est à l'origine de différents procès et vise la montée des prix. Il y a certains administratifs qui jouent un rôle de faux commissionnaire en fixant des prix pour les acheteurs ou vendeurs. Honorable Nadine Baramama a exigé une sanction pour ces faux commissionnaires. Les administratifs qui se font commissionnaires harcèlent la population. Pourquoi ils prennent le devant pour fixer les prix à la place des vendeurs? Pourquoi ne pas les punir? L'éradication des faux commissionnaires pour la vente, l'achat ou la location des maisons n'est pas une chose commode, comme pour les bétails. Néanmoins, le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions a demandé une franche collaboration entre les élus du peuple et l'administration pour éradiquer surtout les administratifs qui jouent un rôle des commissionnaires. Les commissionnaires des bétails étaient faciles d'appréhender car leur travail se limite au niveau des marchés. Mais tel que vous le savez, les Burundais achètent ou vendent leurs biens en cachette. Pour le moment, c'est difficile de différencier les commissionnaires et des maisons et des parcelles. Pour le cas des administratifs qui se font commissionnaires, il faut nous signaler, on va vite les remplacer car ils ne remplissent pas leur rôle. De ce fait, la collaboration entre les élus du peuple et l'administration va nous aider à éradiquer le comportement de ces commissionnaires. Nous voulons que tout Burundais mange le fruit de son effort. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique s'est engagé à éradiquer la pratique des commissionnaires depuis le début de cette année et plus de 300 commissionnaires ont été appréhendés. Merci Médard. Et la Société des Diasporas du Burundi compte mettre en place une banque qui sera dénommée Burundi Diaspora Gateway Bank, dite BUGE Bank en sigle. Cette institution bancaire va ouvrir ses portes avec un capital de 12 milliards de francs burundais. Dans une conférence de presse animée par certains des fondateurs, ils ont indiqué que cette banque va appuyer les projets d'industrialisation, d'import-export, du transfert international de l'argent et d'autres. Suivez plutôt Eric Niragira, c'est le président de la diaspora burundaise. Le capital pour la création de cette banque est 12 milliards et le coût d'une part est 1,2 million. Ils ont dit aussi qu'ils comptent faire la levée des fonds durant une période qui va d'une année à 2 ans. Je suis ici pour les féliciter à ma qualité du président de la diaspora. J'affirme ma volonté de les accompagner, surtout qu'ils ont eu une opportunité et un temps nécessaire pour m'expliquer le projet de création de la banque et tout le processus qui va suivre depuis le commencement jusqu'à la réussite du projet. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Éducation, savoir analyser les problèmes tactiques et rédiger un ordre de l'opération de la compagnie, tels sont certains avantages de la formation pour les officiers stagiaires de la 5e promotion de l'école de commandement compagnie. Le lieutenant-colonel Moïse Kabirigi, commandant du camp chargé de former ses officiers, l'a dit ce vendredi lors de la remise des certificats pour 60 lauréats qui ont pu terminer la formation. Il demande à ces lauréats de se servir des connaissances acquises pour leur commandement. Suivez-le. L'objectif global du stage est que, à l'issue de la formation, le stagiaire puisse, à la réception d'une mission tactique, analyser le problème tactique, effectuer une appréciation situationnelle, proposer différentes solutions, rédiger un ordre d'opération de la compagnie et certaines demandes nécessaires, tout en tenant compte des limitations imposées par le droit international humanitaire. Il faut ajouter que l'officier stagiaire doit avoir des connaissances sur les techniques de communication écrite et orale. Tout cela pour lui aider à rédiger des documents officiels et savoir s'exprimer aussi correctement devant le public et pendant les exposés devant les autorités. Ce stade de formation est subdivisé en deux modules. Le premier est celui des opérations terrestres. Les objectifs du module sur les opérations terrestres sont permettre aux stagiaires d'effectuer une méthode de travail pour la compagnie, l'infanterie légère et des unités subordonnées, entraîner aux stagiaires à conduire une unité de combat, niveau compagnie, en tas de paix comme en tas de guerre. Développer chez le stagiaire des techniques d'appréciation et de résolution d'un problème tactique au niveau compagnie. Il y a également le module de management. Quant à lui, les objectifs sont les suivants. Fournir au stagiaire des outils de commandement, initier le stagiaire des techniques d'administration militaire, permettre à l'officier de résoudre un problème général et de bien rédiger des documents administratifs, tenant compte des décisions et des propositions nécessaires et enfin offrir au stagiaire des connaissances linguistiques différentes. Lieutenant-colonel Moïse Kabirigi, commandant du camp chargé de former les officiers stagiaires à l'école de commandement compagnie. Et les étudiants en master de la faculté de droit de l'université du Burundi viennent de passer presque une année sans percevoir leur pré-bourse. Ces étudiants indiquent qu'ils ont déjà eu seulement une tranche sur les quatre tranches que prévoit leur contrat. Ils déplorent les mauvaises conditions de vie et demandent aux responsables concernés d'honorer les termes du contrat. Sheila Irambona. Ces étudiants en matière en faculté de droit indiquent que le contrat qu'ils ont signé stipulait clairement qu'ils ont droit à quatre tranches tout au long de l'année académique. Ils déplorent que jusqu'à maintenant, ils n'ont touché qu'à une seule tranche. Ce contrat dit que chaque étudiant perçoit quatre tranches au cours d'un an. Alors, nous n'avons reçu qu'une seule tranche pendant toute l'année. Le rectorat nous disait que le processus est en cours alors que l'année touche presque à sa fin. Ils demandent aux responsables de la pré-bourse de résoudre la question car ils vivent dans des conditions déplorables. Étudier le cycle de master sans avoir perçu qu'une somme, voyons qu'il est difficile de survivre ici puisque même il y a des étudiants qui sont montés à la campagne pour pouvoir survivre. Que notre contrat soit exécuté. Au bureau de la pré-bourse, on promet de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Sheila Irambona. Le palmier à huile peut être associé avec d'autres cultures. Explication d'un spécialiste de plantes, de production végétale en même temps, professeur à l'Université du Burundi, à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Gérard Roussoukou indique que ça doit être fait à condition qu'on adopte les écartements variant entre 10 et 15 mètres entre un palmier et un autre, de façon que les cultures basses puissent aussi bénéficier de la lumière du soleil. C'est un reportage de Jérôme Hakizimana. Le palmier à l'huile est beaucoup productif, raison pour laquelle ces cultivateurs optent souvent à ne pas l'associer avec d'autres cultures, comme l'indique le spécialiste des plantes végétales, en même temps professeur à l'université du Burundi, dans la faculté d'agronomie et bio-ingénierie. Gérard Lusoukou explique que d'une manière générale, entre le palmier à l'huile et l'autre, il doit y avoir un écartement variant entre 7 à 9 mètres dans la palmeraie. Les écartements qui sont généralement utilisés pour le palmier à huile, ça varie entre 7 et 9 mètres, hein, suivant qu'on les plante soit rectangle sous forme de. Les écartements, les alignements se font de façon rectangulaire, ou que les alignements se font suivant qu'on établit des triangles isocèles en quinconce et ainsi de suite. À ce moment-là, les écartements varient de 7 à 9 mètres. Toutefois, l'association du palmier à l'huile avec d'autres cultures est fort possible. Dans ce cas, ce spécialiste signale qu'il doit y avoir un écartement d'entre 10 à 15 mètres. L'association des cultures, c'est pas seulement du palmier à l'huile, c'est toutes les autres cultures. Mais le point le plus important, c'est que les écartements soient conçus de façon telle que les cultures basses par rapport aux cultures hautes puissent aussi bénéficier de la lumière du soleil. S'il n'y a pas de lumière, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, c'est la mort de la plante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut considérer des écartements qui varient, je dirais, de 10, 15, voire même 20 mètres, suivant les cultures qu'on veut associer à Sopal. C'est au moment où, il y a environ 3 ans, que l'administration provinciale de Bouvanza a pris une décision portant suspension de planter d'autres palmiers à l'huile, dans le souci de donner également place aux cultures vivrières. Jérôme Hakizimana, privilégier les cultures adaptées dans la région est une des stratégies qui ont poussé la coopérative Sangwe de la Corine et Kanyounia de la commune Mukike à occuper la première place au niveau national. Témoignage des membres de cette coopérative qui affirment être prêts à rembourser les 10 millions que l'État leur a prêtés. Toutefois, ils demandent la disponibilité des hangars pour stocker leurs récoltes, chose promise par l'administration. Je vous l'avais dit, la campagne de dépistage au Covid-19 pour les élèves internes va du 10 au 14 septembre. Le porte-parole du ministère de la Santé qui le confirme appelle les élèves à le faire dès le premier jour. Docteur Jean Bosco Guilou-Kouichak affirme que les réactifs, médicaments et ressources humaines à cet effet sont suffisants. Suivez-le. Ce qui entre en internat donc commence à être accueilli dès le 12 septembre. Alors on a tenu compte de ces dates et ainsi la période fixée pour le dépistage pour les élèves et surtout en internat c'est du 10 au 14 septembre. Donc on va commencer vendredi le 10 et pour terminer mardi et le 12. Donc les élèves sont interpellés à se présenter donc massivement, non pas le dernier jour mais à commencer dès le 10 et septembre pour éviter que à la rentrée il y ait beaucoup d'élèves qui se présentent à l'école sans avoir dépisté. Lors de la première campagne de dépistage, tous les élèves en internat, c'était au troisième trimestre de l'année scolaire écoulée. Il s'était manifesté certains problèmes mais qui avaient été ainsi résolus pendant cette période. Mais pour le moment, on a pris des mesures préventives. Et c'est notamment la période dédiée à cette campagne. Et maintenant, elle est de 5 jours au lieu de 3 jours pour la précédente campagne. Et cela donc va permettre aux élèves de pouvoir avoir suffisamment de temps pour aller se faire dépister. Et quant au centre de dépistage, cette campagne va se faire à travers tous les hôpitaux de district. Et nous avons aujourd'hui 48 districts sanitaires et il y a autant d'hôpitaux, même plus. Et ici, à mairie de Bujumbura, en plus de cela, nous savons qu'il y a le centre communément appelé Bonake, mais aussi au nord, Bujumbura Nord, dans le district de Bujumbura Nord, au lieu que le dépistage puisse se faire à l'hôpital, on l'a délocalisé sur le terrain communément appelé Soukarti, pour que cela puisse permettre de recevoir plusieurs personnes et dans le cas présent, plusieurs élèves. Et cela, ça va être facile pour nous de pouvoir déployer plusieurs laboratoires pour le dépistage. Des réactifs suffisants, des ressources humaines suffisantes, vous confirmez? Oui, on confirme, il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous avons suffisamment de kits de dépistage, des réactifs, mais aussi des médicaments. À la source, reportage. Les femmes occupent une place importante dans la gestion des coopératives en commune Guitaramuka de la province Karusi. Consolate Niyondiko, représentante de la coopérative Sangwe sur la colline Nyaruhinda, dit avoir été élue parce qu'elle a osé se faire élire. L'administration de la commune Guitaramuka trouve que les coopératives dirigées par des femmes sont avancées. Omer Ndouayo. La commune Guitaramuka est constituée de moins de 30 collines. Elle renferme plus de 600 coopératives, parmi lesquelles plus de 120 sont dirigées par les femmes, fait savoir Jean-Paul Nkurunziza, secrétaire exécutif permanent de cette commune. Il explique que seules les élections portent les dirigeants à ce titre. Consolate Niyondiko, à la tête de la coopérative Sangwe de la colline Nyaruhinda, explique avoir concouru avec d'autres pour occuper cette place. Sauf une petite association ecclésiaste que je dirigeais depuis ma jeunesse, je n'ai jamais dirigé une autre association depuis mon mariage. Tout simplement, je me suis sentie prête à me faire élire. On nous a appelés et informés de la situation. J'ai réussi à être élue dans le groupe de 10 candidats. Son courage et sa détermination au service des projets de la coopérative d'élevage lui confère espoir sur l'avenir de cette dernière. La reproduction chez une truie nous facilite la progression de la chaîne de solidarité, ce qui nous encourage au développement. C'est au moment où les autorités administratives rassurent que les coopératives dirigées par les femmes se développent à un niveau égal que ceux dirigés par les hommes. Jean-Paul Nkurunziza, secrétaire exécutif permanent de la commune Gitaramuka, sollicite des séances de renforcement des capacités aux représentants des coopératives pour accroître la production dans les coopératives de leur ressort. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le Burundi fait partie des pays pollueurs de la couche d'ozone à un faible niveau. Explication de Sylvestre Manirakiza, ingénieur en mécanique et thermodynamique. Il précise que pour préserver la couche d'ozone, des conventions internationales ont été mises en place afin d'enlever sur le marché les substances appauvrissant la couche d'ozone et les substituer par les moins pollueurs. Les détails de cette chronique environnement, Vestine Otoy. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé de l'importance de la couche d'ozone et les principaux polluants de cette couche. Aujourd'hui, l'ingénieur en mécanique et thermodynamique informe qu'au niveau mondial, tout pays est pollueur de la dite couche, mais à des degrés différents. Sylvestre Manirakiza explique que le Burundi fait aussi partie de ces pays pollueurs, mais à un faible niveau. Le Burundi fait partie des pollueurs parce qu'il utilise ces substances. Le monde entier est pollué dans ce domaine parce que cette pollution est liée au développement socio-économique. Maintenant, on ne peut plus vivre sans TIC, par exemple. Les serveurs, ils utilisent maintenant des climatiseurs d'une puissance énorme. Et on ne peut pas vivre sans chaîne de froid agroalimentaire. La pollution de l'atmosphère est globale. Si on pollue aux États-Unis, comme la Terre tourne dans un fluide, on se retrouve avec des polluants qui ont été émis par d'autres pays grands pollueurs. La pollution de chaque pays s'évalue par rapport à la quantité de consommation ou d'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Selon Sylvestre Manirakiza, le Burundi a réduit considérablement ses substances. Il a passé de plus de 100 à plus de 20 tonnes. La pollution de chaque pays est évaluée en fonction de la quantité de ces substances qu'on consomme. On appelle ça la consommation de ces substances. Le Burundi est parmi les pays les moins pollués, mais ça ne veut pas dire que le Burundi va croiser les bras, parce que un kilo de CFC qui est envoyé dans l'espace peut passer 100 ans. Pour faire face à la pollution de la couche d'ozone, des conventions internationales relatives à la suppression sur le marché des substances appauvrissant la couche d'ozone et à leur substitution ont été mises en place. Le monde entier s'est mis ensemble pour faire une convention internationale qu'on appelle convention cadre de Vienne en 1985 pour essayer de voir comment éliminer ces substances, mais en trouvant, en découvrant d'autres substances alternatives qui peuvent nous aider à continuer à vivre parce que maintenant, on ne peut pas vivre sans réfrigération. L'ingénieur en mécanique et thermodynamique évoque en outre la mise en place d'un fonds multilatéral qui aide les pays sous-développés, y compris le Burundi, grâce au financement en provenance des pays grands pollueurs. Merci Vestine Boutoui, merci Sylvestre Manirakiza pour ses éclairages sur la préservation de la couche d'ozone. Il est 18h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à Eric Wimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco de Wimana, le prochain rendez-vous, c'est à 22h.